problèmes pendant que les autres abandonnent. On écrit des rimes en abondance, aucune excuse bidon. Je suis pas un badaud qui regarde passer le bateau. On a pris le train en marche, assumé nos démarches, parfois on te spie à l'arrache, mais au final on sait que ça marche. On mâche pas nos mots, gâche pas le flow, bâche pas le sondage, pas le fond. Si la forme est là, c'est que le panache fait son effet. La cabine, c'est pas du rap de merde contrefait. Rien à branler du trophée, même sans le sou, on se refait. Regarde plutôt ce qu'on fait, rap conscient, la signature. Quitte à être étiqueté, autant le faire nous-mêmes, ça évitera les bavures. Scalpel et Gaze, Saïd, Emiliano, c'est la même. Donné à Drancy, 93, la même rengaine. Entre fils d'immigrés, sûr qu'on se comprend. Merci pour l'invite, les frères, on a fait ça proprement. 10 ans de sacrifice, de rap conscient sur multipistes, de connexion, 10 ans qu'on apporte notre pierre à l'édifice. Si t'as aimé mon rap, c'est la cabine, le phrase est mémorable. 10 ans de sacrifice, de rap conscient sur multipistes, de connexion, 10 ans qu'on se fixe sur la même ligne directrice. 10 piges qu'on milite, qu'on résiste, maintient les résines. Pas preuve d'empathie, quand on frappera, tu ferais mieux de partir. Car si on te rattrape, tu risques d'en pâtir. On mettra en pratique tous les moyens pour préserver tout ce qu'on a su bâtir. Dans ce rap rare sont ceux qui restent combatifs. Avec notre zik, on badine pas, regarde comme on nous tartine. De rap, de caille, on garde froid comme dans l'Antarctique. On n'attend pas le déluge, ni que les esprits s'apaisent. Disons que 10 ans ça use, et qu'il serait temps que ça paye. Ni que sa mère, j'suis plus à sa près. J'tape ces temps-ci, mène ma carrière en danse-ci. L'essentiel c'est que t'apprécies. Qu'on soit là sur Drancy, que le sommet soit frais. Comme les rebiers dans le frigo, on s'ambiance après. La cabine et le titre sonnent vrai. Pas d'histoire de gun, avec le seum dans nos récits en toile de fond la scène. Pas de si, de sexe et de sun, comme sur mixtape et scène. Scalpel et Guest, toujours les mêmes, derrière le SM. Pour une corrupte, on la met au premier essai. Et si c'est brut et sec, dis-toi bien que ça vient du 9-3-6-7. De sacrifice, de rap conscient sur multipistes, de connexion, 10 ans qu'on apporte notre pierre à l'édifice. Si t'as aimé mon rap, c'est la cabine, le phrase est mémorable. 10 ans de sacrifice, de rap conscient sur multipistes, de connexion, 10 ans qu'on se fixe sur la même ligne directrice. 10 piges qu'on milite, qu'on résiste, maintient les résines.